Les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. L'auteur de « Vient de paraître », « Du sexe faible », « De la fleur des pois », « Des temps difficiles », de Fric-Frac, Édouard Bourdet, avait écrit sa première pièce en 1910. Le Rubicon. Étrange pièce. Étrange pièce si on la considère aujourd'hui sans doute. On pourrait la juger quelque peu obscène, pas dans les termes bien sûr, triviale peut-être. Tout tourne autour de la consommation ou non d'un mariage. Et tout le monde s'y intéresse, s'en inquiète, en parle. Était-ce vraiment cela les mœurs du début du XXe siècle dans une certaine classe sociale? Mais il y a les dialogues, le jeu des acteurs, Bernard Blier en tête, et notre acceptation tacite. Nous écoutons une comédie de mœurs ancrée dans son époque. Et peut-être dans celle de sa diffusion sur la chaîne nationale, 40 ans plus tard, le 14 janvier 1950. La radiodiffusion française vous présente Bernard Blier, Béatrice Bretti de la Comédie française, Lucien Natt, Jeannine Crispin de la Comédie française, Pierre Larquet, Franck Villard et Jacqueline Moran, dans Le Rubicon, pièce en trois actes d'Édouard Bourdet, sous la direction artistique de Jacques Régnier. Le Rubicon a été représenté pour la première fois au Théâtre Michel le 17 janvier 1910. Nous avons tenu à vous la présenter dans le style de sa création. Premier acte. Un petit salon formant cabinet de travail dans un appartement à Paris. Un divan avec des coussins. Au milieu, un bureau, des fauteuils, des chaises. Merci, Élise, merci. Ma fille est là ? Oui, madame. Madame n'est pas sortie ce matin. Bon, voulez-vous aller lui dire que je suis là ? Eh bien, madame. Dites-moi, Élise, toujours rien de nouveau ? Oh, non, madame, absolument rien. Oh, vous êtes sûre ? Madame, autant qu'on peut l'être. Oh, mon Dieu, comment tout cela finira-t-il ? Sûrement que c'est bien triste. Non, désolant, c'est désolant. Oh, ce n'est pourtant pas que monsieur n'ait pas eu de patience. Hier encore, il a dit à madame pendant le dîner que le divan de son cabinet était tellement dur qu'il ne pouvait pas dormir. Mmh, pauvre garçon. Alors, ma bonne Élise, alors ? Alors, madame a répondu que si monsieur voulait coucher dans la chambre, elle coucherait sur le divan et qu'elle était sûre d'y dormir. Elle... Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Monsieur a dit qu'il ne manquait pas d'autres lits à Paris et que pour ne pas déranger madame, il irait demander l'hospitalité à un de ces lits-là. Ah, eh ben voilà bien ce que je redoutais. Là-dessus, madame s'est mise à rire et monsieur est parti en jetant sa serviette. Et puis quand monsieur n'a plus été là, madame a haussé les épaules et est partie aussi. Alors ? Alors, dame, Émile a remporté le gigot, ça fait qu'on le servira froid ce matin. C'est comme ça tous les jours depuis que monsieur et madame sont revenus de leur voyage de noces. Des fois, ça va jusqu'au potage, des fois jusqu'au rôti, mais pas souvent. Ah, tout cela est navrant. Enfin, voulez-vous prévenir madame de ma visite ? Oui, madame. Madame, c'est madame Sylvain. Oh, comment, c'est toi, maman ? Bonjour, ma chérie. Bonjour, maman. Comme tu es de matinale. Comment matinale, 11h30 ? C'est toi qui es paresseuse. Oh non, pas paresseuse. Je n'ai à moi que mes matinées. Genre, je pars toujours de bonne heure, de 9h à midi, j'ai la paix. La sainte, la délicieuse paix, j'en profite. Alors je flâne. Je m'imagine que je suis encore une petite fille libre, gâtée, insouciante, heureuse. Germaine, oh, tu devrais avoir honte. En tout cas, tu nous fais à ton père et à moi beaucoup de peine. Comment va-t-il, ce cher père ? Il irait bien s'il n'était comme moi constamment préoccupé de la façon dont va ton ménage. Oh, vous avez bien tort. Comment nous avons bien tort ? Mais vous avez tort de vous en préoccuper. Est-ce que je me préoccupe, moi ? Oh, Germaine, tu n'as pas de cœur. Allons bon. Mais enfin, petite malheureuse, as-tu réfléchi à ce que ton entêtement a d'inexplicable et aux conséquences qu'il peut entraîner ? Mais quelles conséquences ? Bon, ton mari ne va pas rester éternellement dans une expectative plutôt énervante. Devant ton refus systématique, il va prendre une décision et... Et une maîtresse. Mais non, maman, non. Non, hélas, j'aurais pas cette chance. Il m'aime. Germaine, tiens, veux-tu que je te dise ? Tu n'as pas de cœur. Encore. Bon, faut réfléchir un peu, ma pauvre enfant. Comment, après une carrière de jeune fille où tu fus adulée, choyée, courtisée, où tant de parties incomparables s'offrirent à toi, que tu refusais sans nous donner à ton père et à moi d'autres explications que cette phrase « Je ne veux pas me marier ». Tout à coup, sans crier gare, tu choisis parmi tous les prétendants le moins en vue, le plus humble, celui qui t'offrait peut-être le moins d'avantages apparents. Oh oui, c'est juste. Ça, je me hâte d'ajouter que nous avons découvert chez lui par la suite les qualités sérieuses, durables, qui ne frappent pas au premier abord, mais qui sont les plus sûres garanties de bonheur. Ton père et moi t'avions laissé libre de choisir qui te plairait. Tu choisis Georges, tout laissait supposer que tu avais suivi ton inclination. Tu l'épouses. Vous partez en rentrant de votre voyage de noces, tu me dis tranquillement, sans paraître attaché à ça aucune importance, en riant presque. Tu sais, maman, mon mari. Eh ben, il n'est pas mon mari. Oh, nous croyons d'abord, ton père et moi, une inqualifiable défaillance de Georges, mais non, c'est toi. Toi, toute seule, qui n'a pas voulu. J'ai pas pu. Mais ma pauvre enfant, si toutes les femmes raisonnaient comme toi, si on ne se forçait pas à ce moment-là à faire comme tout le monde, ben, ce serait la fin de tout. De tout. Mais qu'est-ce que tu veux, maman enfant, c'est ta faute. Comment de ma faute? Ah, mais oui. Si j'avais su à quoi je m'engageais en me mariant, eh bien, j'aurais jamais épousé Georges. Mais enfin, ma chérie, je t'avais prévenue. Oui, tu m'avais dit la veille de la cérémonie. Ma chérie, vois-tu, les débuts du mariage sont quelquefois pénibles. Il faudra être très courageuse, très docile. Et accorder à ton mari ce qu'il te demandera. Mmh. Oui, tout ce qu'il te demandera. Parfaitement. Et j'ai même ajouté, quelque surprenante, que ses prétentions puissent te paraître. Eh ben, ça ne suffisait pas? Il me semble qu'après ça, tu devais être prête à tous les étonnements. Tu trouves que j'étais renseignée? Je savais que je devais m'attendre à tout. Ça m'avançait bien. J'ai fait toutes les suppositions, toutes, sauf la bonne, bien entendu. Ton petit speech avait servi à m'inquiéter, mais nullement à me préparer, je t'assure. Ah, je suis stupéfaite, mon enfant. Je croyais, nous croyons, ton père et moi, après certaines allusions que nous t'avions entendu prononcer, après certains sourires que tu n'avais pas pu réprimer, que tu étais plutôt trop instruite pour une jeune fille de ton âge qu'insuffisamment. Si tu savais, maman, ce que les sourires discrets, les allusions subtiles des jeunes filles de mon âge cachent d'innocence et de naïveté. Oh, c'est que ça n'est pas toujours facile d'être dans la note. Ni trop niaise pour qu'on ne vous qualifie pas de voix blanche, ni trop avertie pour qu'on ne vous traite pas de demi-vierge. Alors on prend le parti de sourire finement à des plaisanteries dont on ne comprend pas le premier mot. On parle d'un air entendu, de choses qu'on connaît vaguement. Oh, très, très vaguement. Et sur lesquelles on serait incapable, mis au pied du mur, de formuler un avis précis. On arrive au mariage avec une imagination... Une imagination... qui a beaucoup roulé. En somme toute, on n'a acquis aucune certitude capable d'entamer votre naïveté. On est en fin de compte une petite fille très pure, que la révélation de la vérité stupéfie. Eh bien, j'ai été stupéfiée. Tellement que je n'ai pas d'abord pu croire à ce que Georges essayait de m'expliquer. Puis quand j'ai compris qu'il n'exagérait pas, alors j'étais révoltée. J'étais maudite. Oh, ah, oui, de ne m'avoir pas crié gare. Enfin, mais qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Je peux pourtant pas te mettre les points sur les i. Pourquoi pas? Mais ça aurait mieux valu, je te jure. Les explications précises à ce sujet t'auraient paru malaisées, gênantes. Mon faux. Soit. Vois-tu qu'il n'est pas préférable qu'elles émanent d'une mère plutôt que d'un monsieur avec qui on vient à peine de faire connaissance? Tu ne me feras pas croire, mon enfant, que tu n'avais aucun soupçon. Enfin, tu devais bien te rendre compte que la vie de femme mariée comporte un petit changement. Eh ben, ça n'est pas un changement de partir toute seule avec son mari, de quitter ses habitudes, ses parents, ses amis, d'habiter une autre maison... Se torturer l'esprit tous les matins pour commander les repas, de refaire les additions de la cuisinière, de vivre au milieu de meubles nouveaux, se sentir enfin déraciné, transplanté, désorienté, est-ce que ça n'est pas un changement? Je trouve ça suffisant, moi, à compenser l'avantage d'être casé, s'appeler madame et de sortir seule. Et suffisant aussi à expliquer l'appréhension secrète qu'évoque la pensée du mariage chez toutes les jeunes filles. Ma pauvre enfant, cette appréhension disparaît, je t'assure, quand on aime son mari. Oh, c'est possible, oui. Il me semble parfois qu'avec un autre, ça aurait été plus facile. Un autre? Quel autre? Un autre que j'aurais aimé. Tu n'aimes donc pas Georges? Oh, pas à ce point-là, non. Qu'est-ce que tu en sais? Comment? Ben, il me semble. Ben, puisque tu n'as jamais essayé. L'appétit vient en mangeant. Seulement, il faut avoir le courage de se mettre à table. Ce courage-là me manque. Oh, bon, mon enfant, je t'en conjure, fais un effort. Tu te fais un monde de ce qui n'est en somme oh, que bien peu de choses. La première fois, on le fait pour son mari. Puis ensuite, on continue pour soi. Mais ben, crois-en mon expérience. Voyons, puisque je te promets qu'il n'y a que le premier pas qui coûte. C'est un pas qui revient trop cher. Enfin, comme tu voudras, nous verrons ce qu'il adviendra de tout ça. Et lui? Georges, comment prend-il ça? Car enfin, t'avais pas épousé seulement pour rire. Il a été surpris de mon innocence et puis il a insisté pour en finir tout de suite. Alors, je me suis emportée, je lui ai dit... Je lui dis que jamais je ne serai à lui comme il l'entendait. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Depuis, j'ai essayé de me résigner. J'ai pris de bonnes résolutions. Je me suis promis de tenter une nouvelle expérience. Et puis j'ai rien tenté du tout. Non, mais qu'est-ce que tu veux, maman? Je ne peux pas. C'est plus fort que moi. Je ne peux pas. Oh, genre, j'avais bien besoin de t'expliquer avant ce qu'il allait faire. Comment, maman? Je m'en serais bien aperçue. Oui, bah quand tu t'en seras aperçue, mon enfant, il aurait été trop tard. Et ça aurait été autrement mieux valu. Tandis qu'à présent... À présent? À présent que tu sais exactement le... La nature de ses revendications, tu es bien mieux armée pour te défendre. Alors l'escamotage, quoi? Ah, merci bien. Non, tu te trompes, maman. Il aurait peut-être réussi une fois, mais pas deux, ça je te le jure. On dit ça? Tiens, le voilà ton gendre. Ah, bonjour, mon cher Georges. Ma chère belle-mère. D'où venez-vous si je ne suis pas indiscrète? Nullement, je viens de chez mon avoué. Ah, oh, ne t'inquiète pas, maman, il me l'a fait tous les jours, il vient simplement de faire un tour au bois. Je ne comprends pas comment ton père n'est pas là, il devait passer ici avant déjeuner. Ah tiens, le voilà qui arrive. Je vais au-devant de lui. Oui. Oh. Toujours de même, mon pauvre Georges. Toujours de même quoi, ma chère belle-mère? Enfin, avec Germaine. Mais vous voyez. Mais ayez de la patience encore. Nous en aurons raison. Merci pour votre collaboration, ma chère belle-mère, mais je doute qu'en l'espèce, elle puisse m'être d'aucune utilité. Et bonjour, Georges. Mon cher beau-père. Comment cela va-t-il? Très bien, je vous remercie. Et le ménage? Le ménage? Quel ménage? Le vôtre, naturellement. Eh bien, ça va. Ah, bon, alors tant mieux. Je vous avais apporté, au cas où, enfin, vous auriez eu envie de sortir ce soir, une loge pour les nouveautés. Je ne peux pas l'utiliser moi-même. J'ai pensé à vous la proposer. Vous avez le théâtre, et puis après, le souper, le champagne, les ziganes. Mais vous êtes trop bon, mon cher beau-père, décidément trop bon, mais ce soir, j'ai rendez-vous au cercle avec quelques amis. Ah, bon, en ce cas... Eh bien, mes enfants, nous vous quittons. J'étais en train un instant en passant pour chercher votre mère. Nous saurons. Monsieur et Madame Sévin sortent. Germaine les accompagne. Georges reste quelques instants seul, dissimulant mal son irritation. Quand rentre Germaine? Est-ce qu'il est absolument nécessaire que vos parents soient au courant de la vie privée de notre ménage? Vous pensez bien que ce n'est pas par moi qu'ils savent. Seulement, je ne peux pas empêcher les domestiques de parler. Ah, les domestiques aussi, à présent. Madame... Oui, c'est complet. Vous n'avez pas pensé à ça, c'est complet. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Oh, rien, évidemment. Enfin, pourquoi m'avez-vous épousé? Et pourquoi m'avez-vous demandé? C'est votre faute. Comment, pourquoi? Mais c'était mon droit. C'est le droit de n'importe qui de prétendre à la main d'une jeune fille. Seulement, c'est pas son droit, à elle, de laisser un honnête homme lui donner son nom, lui consacrer sa vie, sans rien rendre en échange. Je ne vous ai jamais dit, en vous accordant ma main, que je vous accordais encore autre chose. Enfin, ça va de soi, habituellement. Ah, vous trouvez? Eh ben, moi, pas. Non, tenez, vous mériteriez que... Si au moins tout ça était de ma faute. Oh, à quoi ça vous avancerait-il? Écoutez, Germaine, je vous préviens que ma patience aura des limites. Ah, ah. Voyons. Quelles limites? Oui, c'est ça, moquez-vous de moi. Riez, abusez de mon amour qui me rend idiot, gâté, au point que j'en perds tout respect de moi-même. Quand vos yeux se font un peu plus affectueux ou seulement un tout petit peu moins durs, tenez, comme maintenant, je ne sais plus ce que je dis, je deviens fou, j'oublie tout le reste, Germaine. Ah non. Oh, je vois le tour que vous voulez faire prendre à la conversation, non. Éteignez-moi ces yeux, asseyez-vous là. Vous jouez avec moi. Georges, je vous en prie, ne me regardez pas comme ça, ça ne vous va pas. Tenez, tournez-moi le dos. Oh. Racontez-moi quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte? Eh ben, dites-moi ce que vous avez fait, qui vous avez vu ce matin, en dehors de votre avoué. J'ai rencontré votre ami Mareuil. François? Et vous ne me dites pas ça? Oh, mais racontez donc. Mais tournez-vous! Là, tournez-vous, parce que je n'entends rien à ce que vous dites. Comment va-t-il? Je ne le croyais pas à Paris. Je suppose qu'il y est, puisque je l'ai rencontré. Eh ben, c'est tout! Non, mais vous ne lui avez pas dit de venir me voir. Ah non, sûrement, ça vous est bien égal que je ne vois personne. Que je vive comme une carmélite entre ces quatre murs, sans distraction, sans amis, pendant que vous êtes à votre bureau. Vous vous êtes jamais demandé ce que je pouvais bien faire toute seule? Je me suis peut-être demandé, mais je ne voulais pas demander, voilà la différence. Vous pourrez d'ailleurs prier vous-même, Monsieur Mareuil, de venir vous voir, car il vient déjeuner. Vous l'avez invité? Oh, ça c'est gentil. Tenez, embrassez-moi pour la peine. Où ça? Comment où ça? Mais là, naturellement, sur le front. Où avez-vous vu qu'on embrassait sa femme autrement? Enfin... Oh non, Georges, voyons. Laissez-moi. François Mareuil va arriver, je ne serai pas prête. Oh, tenez, c'est lui. Recevez-le en m'attendant et soyez aimable. C'est un vieil ami que j'aime beaucoup. Recevons le vieil ami. Rebonjour. Comment allez-vous? Asseyez-vous. Ma femme achève de s'apprêter, elle sera là dans un moment. Elle a été ravie à la pensée de vous retrouver. Ah, vous êtes très aimable, c'est moi qui suis enchanté. Sans l'heureux hasard qui m'a fait vous rencontrer ce matin, et sans votre cordiale invitation, je n'aurais pas osé de sitôt venir troubler l'intimité d'un ménage si fraîchement marié. L'intimité d'un ménage, si grande soit-elle, ne perd rien à être interrompue quelques instants par la visite d'un ami, au contraire. Hmm. Et vous êtes, je le sais, un ami, un très vieil ami de ma femme. Je vois bien, nous avons presque été élevés ensemble. Oui, c'est ce qu'elle m'a raconté, oui. Alors, vous êtes toujours très occupé. Oh, épouvantablement.

Oh, mais ça va mieux, au moins à présent, vous êtes guéri. J'étais guéri, mais je redoute une nouvelle crise. Oh vraiment? Et peut-on savoir ce qui motive une pareille appréhension? Non. Oh. Vous étiez plus expansif autrefois avec moi. Et autrefois n'est pas aujourd'hui. Ne parlons plus de moi, voulez-vous, ça m'est pénible. Parlons de vous. Oh. Laissez-moi à mon tour vous poser quelques questions. Croyez-vous que ce soit bien indispensable? Mais certainement. Oui, je sais. Vous allez me demander, comme ça, en me prenant les mains. Eh bien, Germaine, êtes-vous... Heureuse. Vous voyez, je le savais. Et alors? Qu'est-ce que vous répondez? Vous ne voulez pas me répondre? Non. Non, maintenant parlons d'autre chose, voulez-vous? Mais de quoi faut-il parler? Oh, ben, je sais pas. Racontez-moi... Ce que vous jouez, ce que vous allez jouer. Oh, savez-vous à quoi je pense? Non. Oh, mon petit François, faut faire ça. Non, ça, je vous en prie, faites ça. Mais quoi? Eh bien, jouons ensemble quelque chose. Ensemble? Mais oui, ensemble. Oh, avec des amis aussi, bien entendu. Oh, dites oui, ça, je vous en supplie, dites oui. Mais je veux bien, moi, je ne demande pas mieux, seulement où? Mais ici. Mais votre mari? Ah, oh, mon mari voudra aussi, puisque je le voudrais. Ah, alors, eh bien, c'est entendu. Oh, ça, c'est gentil. Je vous retrouve. Oh, ça va être follement amusant. Mm. Oh, vous vous rappelez la revue que nous avons jouée autrefois ensemble chez maman? Comme c'était drôle. Ah, je me souviens, oui. Oh, voyons. Voyons, qui pourrait-on avoir? Pour jouer? Oui. Eh bien, mais on peut demander au de Fréjus. Ah, bah, attendez, il faut faire une liste. Oui. Mon crayon. Alors, les deux Fréjus. Oui. Hein, la petite de Ruffieux. La petite de Ribaud. Ribaud? Jeanne Caumont. Et le petit Merin, c'est sa sœur. Henriette Charmy. Henriette Charmy, oui. Ah, et puis j'oubliais, mais Yvonne Sinclair, indispensablement Yvonne Sinclair. Oh, quel enthousiasme pour Mademoiselle Sinclair. Oh, enthousiasme de camarade, simplement, elle a beaucoup de talent. Bon. Va pour Mademoiselle Sinclair. Et puis encore? Et puis... Vous? Hein? Oui. Et votre mari? Georges? Hein? Oh non, ça l'assommerait. Oh non, mais on en trouvera d'autres encore. Ça ne doit pas manquer. Oh, Georges, savez-vous ce que nous venons de décider? Nous allons jouer quelque chose ici. Ici? Oui. Mais oui, avec les Fréjus, la petite Coman, Henriette Charmy et d'autres. Ben, n'est-ce pas une bonne idée? Si vous voulez, mais... Aura-t-on la place? Oh, mais oui! Tenez, François, venez voir. Oui. Voyez-vous, on mettra la scène ici. Ah, très bonne idée. Et les spectateurs, là. Oh, et on pourra même, s'il n'y a pas assez de place, voir de la salle à manger, là. Mais oui, on verra admirablement. Oh, certainement. Allez, venez. Madame est servie. Quelle idée j'ai eue, là. Oh, ça va être tout à fait amusant. Tout à fait, mais... Dites-moi, qu'est-ce que vous comptez jouer? Oh, ben ça, qu'est-ce que ça fait, hein? Ça n'a pas d'importance. Germaine prend le bras de François et passe dans la salle à manger. Deuxième acte. Dans le même décor, la réception organisée par Germaine. Mademoiselle Sinclair, ça va être à vous. Voilà, j'arrive. Tu n'as besoin de rien? Non, merci. Ah, si, ma canne, ma canne. La voici. J'ai assez de rouge? Mais oui. Ma robe est agrafée dans le dos? Oui. Mademoiselle Sinclair, c'est à mais vous. Mais oui, voilà. Mais vous entendez quand toutes les jeunes turquies seront sorties? Oui. Oui, ne vous troublez pas, ça ira. Mais je ne me trouble pas. Attention. Comment, la voici? Oh. Très bien. Vous n'avez pas été en mesure, mais enfin, c'est très bien tout de même. Et maintenant, allez vite vous habiller pour le dernier tableau. Onze heures, encore une demi-heure. Ça vous amuse, vous, monsieur, ces petites cérémonies-là? Bon, mon Dieu. Vous avez de la chance. Ah, si je n'étais affligé d'une sœur qui n'a que moi pour la conduire dans le monde, je vous jure que je me passerais de ces distractions. Songez, monsieur, que nous avons avalé depuis le début de l'hiver 14 représentations de l'anglais tel qu'on le parle. 8 d'une revue dite bleue, 7 d'une revue dite rose et 5 de la revue dite blanche dont vous pouvez apprécier ce soir le charme virginal et la spirituelle fantaisie. Voilà, sans compter les danses grecques, romaines, byzantines, phéniciennes, assyriennes, nubiennes, etc., etc., régal sans pareil que nous devons à la sollicitude de maîtresses de maison jamais assouvies dans leur culte du beau. Ben, je n'en peux plus, monsieur, moi je suis brisé. En vérité. Oh, et savez-vous, monsieur, que nous marchons à un péril effrayant qui va fondre sur Paris d'ici quelque temps si tous les gens du monde persistent à s'improviser acteurs? Mais la grève des spectateurs, tout simplement, monsieur, ce sera épouvantable. Tout le monde voudra jouer et on ne trouvera plus personne pour regarder. Mais déjà, alors qu'il est, ce ne sont plus les artistes qui sont difficiles à recruter, c'est le public. On parle même d'un commerçant avisé qui fournit aux maîtres de maison les chaises, les larbins, le buffet, le champagne et les spectateurs. Il fera fortune, monsieur, je vous le garantis. Et il bisse encore. Les lâches. Mon Dieu, monsieur, je vous trouve sévère pour ces inoffensives distractions mondaines qui ont bien leurs avantages aussi. Ah ben, je voudrais bien savoir lesquels. Eh bien, supposez, monsieur, qu'au lieu d'être gratifié d'une sœur, vous soyez nanti d'une femme. Et imaginez vos transes. Si éloigné de chez vous la plupart du temps par vos occupations, les obsessions d'un esprit inquiet vous suggéraient l'idée de vous demander quel peut être le emploi du temps de votre femme pendant ces après-midi que vous passez loin d'elle. Voyez l'écueil. Puisque vous deviendrez incontinent, le mari odieux et tyrannique. Si au lieu de ça, vous savez qu'entre les essayages chez le costumier, les répétitions, les auditions, les représentations, votre femme n'a plus une heure libre pour légitimer vos inquiétudes. À moi d'utiliser les entractes. Évidemment, évidemment. Vous voyez, monsieur, vous voyez quel apaisement. Et ce n'est pas tout. Si c'est net, ont en plus le mérite d'offrir à votre épouse toutes les joies de l'adultère, moins une. Celle, précisément, qui aurait quelque inconvénient pour son honneur. Et le vôtre, blasé sur les joies honnêtes du foyer, sent-elle s'éveiller en elle le besoin de connaître des émotions moins paisibles? Elle les trouve pour rire dans les scènes de passion que la prévoyance des auteurs multiplie dans les comédies, revues, etc., etc., à l'usage des salons. Et satisfaite par la fausse étreinte qu'elle reçoit d'un partenaire trop préoccupée de son rôle pour penser à autre chose, elle rentre chez elle avec un stock d'honnêteté renouvelé par sa pseudo-culpabilité. Eh bien, c'est bien quelque chose, ça, monsieur. Hein? Excusez-moi, monsieur, mais est-ce que vous-même, vous... Je suis le mari de la lettre égarée, monsieur. Comment? Ma femme interprète en ce moment les couplets de la lettre qui n'arrive pas à destination. Oh! Oh, pardon, oh, croyez bien que je suis confus. Mais il n'y a pas de mal, monsieur, c'est une lettre. Mademoiselle Grenouille, vous êtes prête? Ça va être à vous. Alors, là, à gauche, vous entrerez quand le compère aura dit « Et maintenant, voici la 8e merveille du monde, celle que personne ne connaît, étanchée de croissée en mesure. » Eh bien, Chanteclair, mais où est Chanteclair? Monsieur Fréjus! Monsieur Fréjus! Eh bien, Chanteclair, alors toujours pas prêt, papa, et non, alors voilà, tout le monde vous attend. Voilà, voilà, voilà. Là, alors, vous entrez, là, après les grenouilles. Bon, je sais. Très bien, ça a très bien marché. Oui, bon, entre nous, vous avez eu le succès de la soirée. Oh, vous croyez? J'en suis sûr. J'attire mon écharpe. Voilà. Merci. Dis donc, tu as fini, toi? Non, il faut que je reste pour le final. Oh, mais pourquoi faire? Oh, tu es fou, voyons, tu viens dans la salle? Oh, tu sais, je la connais, la revue, moi. Monsieur Sinclair! Voilà. Vous seriez bien aimable de m'aider à ouvrir ces portes pour la sortie du compère et de la commère. Mais comment donc? Alors, vous y êtes? Attention, ouvrez! Très bien, bravo, ça a très bien marché. Mes félicitations, madame. Entre nous, vous avez eu le succès de la soirée. Oh, vraiment, vous croyez? J'en suis sûr. Vous n'avez que le temps de changer de costume. Ah oui. Eh bien, vous êtes content, monsieur Mareuil. Il me semble que ça a marché. Oui, ça marche un peu, mais la salle est d'un froid. Ils ont l'air de croire qu'on fait ça pour s'amuser. Oh, les ingrats. Entre nous, c'est vous qui avez remporté le succès. Bon, fou. Mon rouge. Où est mon rouge? Ah, si on ne retrouve pas mon rouge, je ne joue plus. Allons bon. Enfin, vous n'avez pas vu le rouge de Monsieur Mareuil? Le rouge de Monsieur Mareuil. Ah, ben voilà, voilà, je l'ai bien trouvé. Oui, ben ça va être à vous, vous savez. Oh, mais je ne suis pas prêt, moi. Mais enfin, mais... Eh ben, qu'on vise quelque chose, voilà tout. Mais ce sont les couplets de la petite Caumont, elle chante faux comme un chaton. Qu'est-ce que ça fait? Monsieur, vous seriez bien aimable, n'est-ce pas? Tâchez qu'on rappelle Mademoiselle Caumont pour nous donner du mais temps. Mais comment voulez-vous que je fasse? Enfin, donnez le signal, on vous suivra, après tout, sont vos invités. Ça va, ça prend, nous avons du temps. Oui, mais je suis prêt dans une seconde, et la commère était prête. La commère, oui. Mais c'est à vous, madame! Oh, voilà! Oh, un greuse! N'est-ce pas? Attention, vous y êtes! Bravo, mademoiselle. Très bien. C'est le succès de la soirée. Oh, vous croyez? Oh, j'en suis certain. Ne vous éloignez pas, mademoiselle. Ni vous non plus, mademoiselle Sinclair. Il faut que vous soyez prête à entrer en scène pour le couplet final. Dis donc, il a l'air d'en pincer pour la maîtresse de la maison, Mareuil. Tu crois? Eh ben, il avait une façon de la détailler tout à l'heure. D'ailleurs, pourquoi est-elle qu'il l'a prise pour commère? C'était ton rôle chez madame de Ribaud. Ben oui. Ben alors, pourquoi l'as-tu pas gardé? Parce qu'il a toujours été entendu que c'est elle qui devait l'avoir. Et tu as accepté ça, Emma? Tu n'as pas beaucoup de vergogne. Oh, laisse-moi tranquille, je sais mieux que toi ce que j'ai à faire. Bon, Athanase. Mais si tu te mets à accepter des pannes, tu n'iras pas loin, tu sais, enfin, ça te regarde. Seulement, tâche d'être en tête dans le compte-rendu des journaux. Oh, je ne sais même pas si on en communiquera. Ah, zut alors. Oh là là, quelle purée. Je voudrais voir la figure de toutes tes petites amies si elles ne voient pas leur nom demain ou après à la rubrique des mondanités. D'ailleurs, ça m'étonnerait que Mareuil ne soit pas préoccupé de ça. Il joue pas pour des prunes, celui-là. Oh, laisse Mareuil tranquille, n'est-ce pas? Oh, mais tu m'avais jamais dit ça. Quoi ça? Rien. Mademoiselle Sinclair, mademoiselle Caumont, vite en scène pour le couplet final. Voilà. Monsieur Sinclair, voulez-vous vous mettre au rideau? Vous le fermerez quand je vous le dirai. Bien. Vous rouvrirez si on rappelle les acteurs. Ah, on les rappellera. Oh, mais soyez tranquille. Attention, allons-y. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez? Oh, pardon, je tirais sur l'autre cordon. Voilà, là, ça y est. Mais ouvrez! Oh, non, mais c'est à croire qu'ils se sont amusés. Ça a marché, hein? Oui, pas toi? Chez madame de Ribaud, le rideau s'est relevé 5 fois ici, on nous a tout juste rappelé 2 fois. C'est que chez madame de Ribaud, on avait invité des tas de vieilles dames. C'est vrai, il n'y a qu'elle qui applaudit. Oh, c'est peut-être parce qu'il n'y a qu'elle que ça amuse. Vous croyez qu'on va danser maintenant? Oh, on n'a même pas enlevé les tapis dans le salon. Et dans la salle à manger? Oh, ça, je ne l'ai pas vu. Oh, allons regarder. Où est-elle? Oh, enfin, je vous trouve. Divine, ma mignonne, vous avez été divine. Je suis encore toute secouée. Depuis la Duse, je n'avais pas connu une pareille émotion. François, lui, c'est du grand art, c'est la perfection, il n'y a plus rien à dire, c'est admirable. Mais vous, quelle révélation! Oh, chère madame, chère madame. Si, croyez-moi, je ne me trompe jamais. Vous êtes une artiste, une grande artiste. Oh non, vous exagérez. Non, je l'ai tout de suite vue. Vous sentez ce que vous dites, tout est là. Mais oui. Il faut sentir. Vous allez jouer chez moi quelque chose avec Mareuil, s'il y consent. Ah, mais avec grand plaisir. C'est cela, ce que vous voudrez. Mais quelque chose de sérieux, où l'on puisse vous juger. J'inviterai Clarty, il faut absolument qu'il vous connaisse. Ah, ben, il me semble que ça a bien marché. Oui, pas mal, je suis assez content. Ah, dites-moi, pendant que j'y pense, voulez-vous envoyer quelque chose aux journaux? Mais comme vous voudrez. Oh, moi, vous savez, j'y tiens pas, au contraire. Ben alors? Seulement c'est pour les autres, les artistes. Ça se fait habituellement. Ça, c'est la façon de les remercier à laquelle ils sont le plus sensibles. Mais comment faut-il rédiger ça? Ah ben, ne vous en occupez pas, j'ai l'habitude, je ferai ça moi-même. Comment vous remercier? Du tout. Vous m'excusez des invités à nourrir? Oui, je vous en prie. Eh bien, mademoiselle Yvonne Sinclair. Eh bien, monsieur François Mareuil. Savez-vous que vous fûtes délicieuse, mademoiselle Yvonne Sinclair? Et vous, étourdissant, monsieur François Mareuil. Ouais. Il est vrai que vous aviez pour commère une partenaire digne de vous. Ouais. Les femmes mariées ont une supériorité incontestable sur nous autres. Elles ont le droit d'avoir du piquant, du chien, du retroussi. Nous, il nous faut jouer honnêtement, au risque de compromettre notre réputation. Oh, pauvre jeune fille. Oui. Pauvre jeune fille, ça ne m'en prenait garde. Les pauvres jeunes filles n'aiment pas qu'on leur préfère les femmes mariées. Et elles pourraient bien se venger. De qui? De vous. Comment? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Ne faites pas l'ignorant. Mon petit François, vous avez joui jusqu'ici d'une situation exceptionnelle auprès de nous toutes, les pauvres jeunes filles. Parce que vous étiez l'homme de notre clan. N'essayez pas d'être en même temps du clan opposé, celui des femmes mariées. Ça peut pas aller ensemble. Il faut choisir, mon pauvre François. C'est elle... ou nous. Mais que veut dire cette phrase? Vous le comprenez très bien. Ah, je vous assure. Mais bien cela veut dire que si vous passez au parti adverse,

parce que vous n'avez pas prononcé le mot qui me jetait dans vos bras. Mais pourquoi ne l'avez-vous pas prononcé, ce mot-là? Pourquoi? Oui. Dites, oh, dites, ça n'est pas parce que je n'avais que 100 000 francs de dot. Oh, Germaine. Oh, pardon. Oui. Pardon, je ne voulais pas vous dire ça, et puis c'est parti malgré moi. Je suis folle, ne m'en veuillez pas. Je ne vous en veux pas, parce que je sais que vous ne pensez pas à la calomnie que vous venez de prononcer. Et puis tout ça, le passé avec toute la force des choses qui ont été, le passé qu'on ne peut changer. À quoi sert d'en parler, Germaine? Si je n'ai pas senti que je vous aimais avant qu'il fût trop tard, vous avez agi bien rapidement vous-même, et vous m'avez puni avant d'être sûr que j'étais coupable. J'étais lasse d'attendre une demande que rien ne retardait que votre seule volonté. Vous étiez libre, n'est-ce pas? Je l'étais aussi. Mais était-ce une raison pour vous donner à un autre et consommer l'irréparable? Belle vengeance, nous sommes tous deux également punis. Ah non, pas également. Mais si vous saviez, François, je ne suis plus que vous. Vous êtes libre, vous, mais moi, je ne le suis plus. Ma vie est finie maintenant. Brisée. Brisée? Oh, Germaine, comment pouvez-vous dire ça? Parce que vous vous êtes trompée, parce que vous avez été trop jeune, imprudente peut-être. Ah non, non, non, c'est pas de votre faute et vous ne devez pas être sacrifiée ainsi, il ne faut pas. Je suis là, moi, je vous aime et je ne le veux pas. Qu'est-ce que vous voulez dire, François? Mais rien n'est perdu, rien n'est fini. Vous vous êtes mariée hein, contre votre gré, sans savoir. Vous avez été surprise, mais tant pis pour le mariage. Germaine, toutes les joies ne vous sont pas interdites. Vous avez été froissée, meurtrie. Mais oubliez tout cela, confiez-vous à moi. Redevenons les amis d'autrefois qui se faisaient bien se comprendre. Mais je suis mariée, François. Mais qu'importe, je ne veux plus que vous en souveniez. Dites-moi que vous voulez bien, dites-le moi, je vous en prie. Oh non, j'ai peur. Mais de quoi, mon ami, de quoi? Ah, de moi, de vous, oh, je ne sais pas. Germaine, est-ce donc ainsi que vous avez confiance en moi autrefois? Oh, non, pardon, c'est vrai. Je veux bien, François, ce que vous voudrez. Mon ami. François. François, laissez-moi. Oh, je vous aime. C'est mal, il me semble que c'est mal. Mais non, je vous promets que non. Et vous n'êtes jamais venu chez moi autrefois? Non. C'est vrai, vous n'avez jamais voulu. Moi, répondiez toujours en riant quand je serai mariée. Eh bien, maintenant. Oh. Germaine, voyons, mais qu'est-ce que vous risquez? Personne ne le saura. J'ai le trop grand souci de notre mutuelle sécurité pour vous faire courir le moindre danger. Moi, je vous ferai une autre existence cachée, secrète pour tout le monde, sauf pour nous deux, et telle que vous l'aimerez. Hein? Dites seulement que vous voulez bien. Mais c'est mal. Alors, quand? Écoutez, demain. Demain, j'ai mon cours, mais après-demain. Voulez-vous après-demain? À quelle heure? Eh bien, à 3 heures, voulez-vous? Je vous guetterai. Oh, ma chérie. Oh, j'ai peur que ce soit mal. Pourquoi? Mais pourquoi? Voyons, c'est un enfantisme. C'est qu'il m'aime. Eh bien, et moi? Est-ce que je ne vous aime pas? Alors, et puis c'est ma revanche, après tout. J'ai assez souffert il y a 5 mois, le jour, le soir où il vous a emporté, là. Il m'a semblé qu'il vous volait à moi. Si vous saviez, Germaine, comme j'étais malheureux ce soir-là, cette nuit-là. Oh, ben, il n'y avait pas de quoi. Comment? Mais il ne s'est rien passé. Ben, soit, mon imagination, manquant de renseignements, a pu se développer à contre-temps. Ne souffre jamais quand il faut. Mais depuis... Depuis? Ben, depuis non plus. Vous dites? L'irréparable, comme vous dites, n'a jamais été consommé. Comment jamais? Non, je n'ai pas voulu. Vous n'avez... Oh, ça, par exemple... Ça vous étonne? Dame, oui, plutôt. Et il a accepté ça, votre mari? Il a bien fallu. Mais dites-moi, pourquoi... Enfin, pourquoi n'avez-vous pas voulu? Parce que je ne l'aimais pas. Ah, pour une surprise, c'est une surprise, par exemple. Oh, ça n'a pas l'air de vous faire plaisir. Oh, comment pouvez-vous dire? Je suis ému. Je ne peux pas vous dire à quel point je suis ému. Oh, et puis d'ailleurs, je ne pouvais pas. Non, ça, j'aurais jamais pu. Il semblait que c'était impossible, invraisemblable contre nature. C'est drôle avec vous. Enfin, avec un autre, ça ne me fait plus le même effet du tout. Ma petite Germaine. Alors? Alors? Eh bien, je suis stupéfait, vous savez. Littéralement stupéfait. Dieu sait si je m'attendais à une pareille révélation. Vous avez l'air plus que stupéfait, François. Vous avez l'air atterré. Ah ben, d'aviez de quoi? Enfin, je veux dire, vous m'avez surpris en m'annonçant ça, sans préambule. Je vous demande pardon, mais laissez-moi le temps de m'y habituer. Est-ce donc si extraordinaire ce que j'ai fait? Enfin, plutôt, ce que je n'ai pas fait. Ah ben oui. Ah ben, moi, c'est le contraire qui m'aurait semblé extraordinaire. C'est un point de vue. Alors, quand est-ce que je vous verrai? Eh bien, mais bientôt, je pense, bientôt. Vous n'êtes plus si pressé? Pressé? Mais vous me parliez d'après-demain tout à l'heure. Vous croyez? Ah oui, c'est vrai, je suis stupide. Après-demain, et... ben voilà, j'ai peur de ne pas être exact. Alors, si vous voulez, plutôt la semaine prochaine. Voilà. Du reste, je vous reverrai d'ici là. Ou bien je vous téléphone. Ah oui, c'est ça, je vous téléphonerai. Hein. François! Oh, beaucoup d'excuses, ma petite Germaine. Oui. Oh, faites attention, on peut venir. Oh, François, vous n'êtes plus le même depuis tout à l'heure. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce que je vous ai dit? Mais non, pas du tout. Alors, rien. Quoi? Mais rien, je vous assure. Mais que... si, je suis sûre que si, je veux savoir. Eh bien... Ah non. François, je vais pleurer. Eh bien, ma chère petite Germaine, il y a que pour des raisons de sécurité dont l'importance vous échappe peut-être, mais que le souci de votre bonheur m'empêche d'oublier, moi... Il y a qu'il serait imprudent. Oui, il serait gros d'inconvénient de nous voir du moment que... Enfin, dans la situation inattendue que vous venez de me révéler. Oh, moi qui croyais que ça allait vous faire plaisir. Oh non, Germaine, ma petite Germaine, voyons, comprenez-moi. Je suis désespéré moi-même, songez que je vous aime. Seulement, que voulez-vous dire? Il y a des responsabilités que vous ne pouvez pas laisser prendre à un autre que votre mari. Écoutez-moi. Enfin, autrefois... Avant votre mariage, si je vous avais proposé sérieusement de venir chez moi, est-ce que vous seriez venu? Non, n'est-ce pas? Eh bien, qu'est-ce qu'il y a de changé? Qu'est-ce que vous êtes de plus qu'autrefois, hein? Est-ce que vous croyez que le fait d'avoir dit oui devant monsieur le maire et devant monsieur le curé de Saint-Honoré-des-Laux a beaucoup modifié votre situation? Non! Il y a autre chose. Pour être une petite madame et avoir le droit de venir dans les garçonnières, il y a une autre condition à remplir. Non, Germaine, m'aimez-vous? Oui. Bon, eh bien, si vous m'aimez, parce que vous m'aimez, il faut remplir cette petite condition-là. Oh. Oui, je comprends, ça vous choque, ça vous blesse que je vous dise ça, mais croyez-vous donc qu'il ne me faille pas de courage pour vous le dire, hein? Je vous aime trop, moi, pour laisser passer le bonheur près de nous, à côté de nous, quand il ne faut que pour nous puissions le saisir... qu'un moment d'abnégation de ma part et un petit effort de la vôtre. Oh, je ne pourrais pas, d'abord, je vous l'ai dit, je ne pourrais pas. Oh, voyons, ma petite Germaine, ce n'est pas grand-chose. Je suis sûr que je souffrirais davantage, moi, à imaginer la chose que vous, elle a subie. Oh, je ne pourrais pas. Mais pourquoi? D'abord, enfin, il n'est pas mal, voyons, il n'a rien de repoussant. Il est même plutôt bien. Oh, hein? Oui. Enfin, ça ne devrait pas être à moi de vous montrer ses qualités, mais vous me l'avez dit souvent, il est très beau. Oh oui, ça. Mais il a sûrement beaucoup souffert de votre refus. Oh, dame, oui. Et puis, vous me l'avez dit aussi, il vous aime. Oh oui. Ah, vous êtes là, Germaine? Vous gère partout. Tout le monde s'en va, vous n'êtes pas là pour dire adieu. Venez, je vous en prie. Voilà. Voilà, je viens de suite. Alors, Germaine, le temps presse. Ne me laissez pas partir sans une bonne promesse. Si vous m'aimez, soyez bonne pour Livre. Tenez, voici un œillet. Prenez cet œillet, je vous le donne. Il vous aidera à avoir du courage tout à l'heure. Comment? Vous voulez que tout de suite... Mais demain, vous n'auriez plus le courage. Écoutez, je laisse ici ma boîte à grimer et des costumes. Je viendrai les reprendre demain, dans la matinée. Voilà. Je serai ainsi de vos nouvelles. Vous m'aimez? Oui, il le faut, allez. Je vous adore. Du courage. Je puis faire la couverture de monsieur, madame? Oui, faites. Pendant qu'Élise découvre le divan, Germaine continue à regarder l'œillet que lui a donné François. Elle le porte à son visage, en aspire longuement le parfum. Madame n'a plus besoin de moi? Non, merci. Eh, vous avez une façon de recevoir, vous? Oh, j'y vais. Oh non, c'est inutile, tout le monde est parti. J'ai fini par dire que vous étiez fatiguée, souffrante, que vous aviez dû vous coucher, seulement. C'est la première et la dernière soirée de cette sorte que nous donnons, je vous en préviens. On n'est pas admis à se moquer des gens qu'on invite, comme vous venez de le faire. Oh, oui, j'ai eu tort, là, j'en conviens, mais c'est vrai que j'étais fatiguée, énervée. J'avais besoin de calme. Seulement, ne me faites pas de scène, voulez-vous? J'aurais pas de force pour la supporter. Je ne vous fais pas de scène, mais vous me permettrez de vous dire que votre aparté avec M. Mareuil était inconvenant, déplacé. Et votre insouciance était aussi inadmissible que son manque de tact est flagrant. Et vous appelez ça ne pas me faire de scène? Bah, écoutez, attendez à demain. Je vous promets que je vous écouterai patiemment, là. Non, ce soir, je suis fatiguée, je vous assure. Je me sens pas bien. Qu'est-ce que vous avez? Je ne sais pas. Je me sens pas bien, voilà tout. Et bien, alors allez vous coucher. Ah, c'est que... Non, je... J'ai pas envie de me coucher. Eh bien, ne vous couchez pas. Oh, Georges, faites-moi porter du champagne. J'ai soif. Du champagne? Mais il n'y a plus personne, je leur ai dit d'aller se coucher. Eh bien, alors, soyez gentil. Apportez-moi vous-même. Oh. Georges! Quoi? Du sec, pas du frappé. Oui. Georges revient tenant à la main une coupe et une bouteille de champagne. Il sert à boire à Germaine. Merci. Ah, n'en prenez pas, vous? Non. C'est tout ce que vous voulez? Oui. Oh, mais ne vous en allez pas. Restez là. Je ne peux pas boire toute seule. Oh, asseyez-vous. Et ne faites pas une figure maussade comme ça. Oh, voyons, vous avez signé l'armistice jusqu'à demain. Demain, vous reprendrez votre air désagréable. Ce soir, quittez-le pour me faire plaisir. Soyez gentil. Soyez affectueux. Et donnez-moi encore à boire. Vous avez si soif que ça? Ah, oh, une soif! Ouais. Merci. Ah, je suis mieux. Je suis moins fatiguée. Oh, Georges-Élise est couchée. Il va falloir que vous m'aidiez à dégrafer ma robe. Oui, c'est dans le dos, là. Je peux pas. Là. Oh non! Non, Georges, non! Vous me chatouillez. Pardonnez-moi, c'est stupide, mais j'étais si près. Enfin, je n'ai pas pu résister. C'est idiot, mais c'est votre faute aussi. Voilà un mois que j'évite de vous approcher. J'avais assez bien réussi, et puis ce soir, vous m'attirez presque, oui. Vous me faites respirer votre parfum, alors tant pis, qu'est-ce que vous voulez, mais c'est votre faute. Qui vous dit que je vous en veuille? Oh non, écoutez, non, ne recommencez pas à vous moquer de moi, c'est pas généreux. Germaine, je vous aime encore, laissez-moi m'en aller, dans 5 minutes je deviendrai brutal. Non, ne vous en allez pas. Germaine. Donnez-moi encore un peu de champagne. Attention, elle est renversée par terre. Oh, Germaine, écoutez, Je ne sais pas ce qui m'arrive. C'est vous qui buvez et c'est moi qui suis gris. Je ne comprends pas. Je vous aime. Je vous adore. Il ne faut pas me laisser espérer. Si je me trompe, je dois m'apercevoir tout à l'heure que je m'étais trompé. C'est que vous avez des yeux si drôles ce soir. Oh, ils sont drôles, mes yeux. Oui. Vous voulez bien que... Que quoi? Que je vous tienne la main, comme ça. Oui, la main, oui. Prenez garde. Non, repoussez-moi pendant qu'il est encore temps. Tout à l'heure, il sera trop tard. Trop tard? Oh, c'est drôle. C'est drôle, tout tourne. Oh non, Georges, voulez-vous, laissez-moi. C'est bien. Non, laissez-moi. C'est bien, je m'en vais. Non, ne vous en allez pas. Pardonnez-moi, je suis nerveuse, mais ne vous en allez pas. Restez là. Seulement, parlez-moi doucement. Pour ne pas me réveiller tout à fait. J'ai un peu le vertige. C'est pas désagréable. Germaine, ma petite Germaine. C'est vrai que je suis brutal, mais non. Mes amoureux sont maladroits et je suis amoureux de vous. Je n'ai jamais cessé de l'être. Et si vous saviez comme je vous aime. Je n'ai jamais pu vous le dire depuis notre mariage parce que j'avais peur que vous me riez au nez. J'osais pas. Je me sens si petit, si timide devant vous. Je n'ose même plus lever les yeux sur vous. Oh, Germaine. Si vous vouliez, comme je vous aimerais, Germaine, d'un amour chaud, tendre, caressant, je ne vous demanderais que de vous laisser aimer, de ne pas me repousser, ni de me dire des choses ironiques ou méchantes. Vous verriez, je ne vous encombrerai pas. Il me suffirait de savoir que le soir, quand tous les autres ne seraient plus là, quand nous serions seuls, comme ce soir, vous me laisseriez vous prendre doucement dans mes bras, comme ce soir. Et quand vous auriez besoin de quelqu'un, c'est moi. moi seul que vous appelleriez. Germaine. Voyez, je n'ai jamais exigé ce à quoi j'avais droit. Pourtant, j'ai prié seulement. C'est que je vais vous avoir consentante. J'attendrai encore s'il le faut, j'aurai de la patience. Je vous aime tant. Oh, Georges, j'ai encore soif. Il n'y a plus de champagne. Vous avez bu toute la bouteille. Vous voyez, il faut vous coucher maintenant. Oui. Venez. Oui. Dormi. Georges la soulève dans ses bras. Elle s'abandonne. Il la porte dans sa chambre. Quelques instants après, il ressort. Il marche baissé, cherchant quelque chose. Où ça? Par terre? Où ça? Voilà. Un œillet? Pourquoi faire? Il rentre chez sa femme, ferme la porte, le loquet se ferme. Troisième acte. Même décor qu'aux actes précédents. La pièce est plongée dans l'obscurité. Le jour filtre par les fentes des rideaux. Émile, le valet de chambre, entre, portant des vêtements qu'il pose sur une chaise. Il va ouvrir les rideaux. Il est 10 heures, monsieur. Monsieur, il est 10 heures. Il écarte le paravent qui dissimule le divan et s'aperçoit que celui-ci est vide. Oh, ça, par exemple. Élise. Entrez, venez voir. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous avez? Émile, vous me faites peur. Oh, j'ai mieux m'en aller. Non, mais entrez, je vous dis. Mais c'est pas un malheur, au moins. Où est monsieur? En tout cas, il n'est pas là. Alors, il a découché? Dame, ça m'en a tout l'air. Où est-il allé? Si on vous le demande, vous direz que vous n'en savez rien. Est-ce que madame est réveillée? Non, elle n'a pas sonné. Mais vous le savez, vous? Quoi? Où monsieur est allé? Non. Mais ce n'est pas difficile à deviner. Où ça? Chez sa bonne amie, parbleu. Oh! Depuis le temps que madame se moque de lui, il s'est énervé. C'est bien naturel. Oh, ça ne fait rien. Découcher, ce n'est pas convenable. Il a assez prévenu madame, elle devait s'y attendre. Si monsieur avait su s'y prendre avec madame, ça ne serait pas arrivé. Ah, bien entendu. Oui, dans ces cas-là, c'est toujours de notre faute à nous autres. Bien sûr. Du reste, croyez-moi, ne nous plaignons pas. Ça vaut mieux pour les domestiques, un ménage qui ne va pas. On est bien plus tranquille. Pourquoi ça? On peut faire son service sans se gêner. Quand on entre dans une pièce, on n'est pas exposé à tomber comme un chien dans un jeu de quilles. C'est des jeunes mariés, habituellement. On a l'air d'être de trop. Ils trouvent toujours un prétexte pour vous faire quitter la pièce où ils sont. Ou bien alors, ils se dérangent tellement peu pour vous qu'on en est gêné. C'est vrai? On finit par avoir un service de cabinet particulier. Heureusement qu'ici, c'est pas un ménage comme les autres. Ça vaut mieux, croyez-moi. Vous feriez mieux d'aller ouvrir. Ce doit être Madame Sévin, c'est son heure. Bonjour, madame. Bonjour, Élise. La fille dort encore? Oui, madame. Madame n'a pas encore sonné. Ah, c'est vrai. Elle a dû se coucher tard après cette soirée. Madame n'est pas venue hier soir? Non. Oh non, non. Les belles-mères doivent se faire remarquer par leur discrétion. Aussi, la mienne est-elle devenue proverbiale? Je vais attendre ici que ma fille se réveille. Vous la préviendrez seulement quand elle vous sonnera que je suis là. Eh bien, madame. Monsieur est là? Oui. C'est-à-dire, non, madame. Quoi? Enfin, est-il là ou n'est-il pas là? Madame, je crois qu'il vaut mieux que madame le sache tout de suite. Monsieur n'a pas couché là. Vous dites? Madame peut voir le lit, il n'est pas défait. Mais alors? Il a découché? Ah, mais c'est épouvantable! Oh, le misérable. Et ma fille, le sait-elle? Je ne pense pas, madame. Enfin, je ne sais pas. Madame n'est pas réveillée. Oh, quelle catastrophe! Monsieur a dû sortir après que les invités ont été partis. Ah, voilà. Voilà, c'est bien ce que je redoutais. Oh, je l'avais dit à répéter à ma fille, elle me riait au nez. Ouais, cette fois, ça y est bien. Oh, découché. Et la nuit encore. Oh, le concierge, tout le monde est au courant à présent. Il est plus de 10 heures, il n'est pas encore rentré. Ah, parbleu, il a voulu faire un esclandre, c'est clair. Il a dû tout simplement aller coucher à Terminus. Oui, en tout cas, il faut réveiller madame. C'est trop grave, il faut lui dire tout de suite. Germaine, mon enfant. Qu'est-ce qu'il y a? Comment? Vous? C'est vous, ma chère belle-mère. Georges? Alors, où est Germaine? Germaine, eh bien, elle est là seulement... Elle dort encore, alors ne faites pas de bruit pour ne pas la réveiller. Je suis à vous dans un instant. Ça! Et alors? Oh, ma petite chérie. Et moi qui n'en ai rien su. Oh, Élise, voulez-vous téléphoner tout de suite à mon mari, 533-19, qu'il vienne me rejoindre ici à l'instant? Bien, madame. Oh, ma petite chérie, ma petite chérie. Ah, je suis bête, moi. Je suis émue comme si c'était moi. Comment, vous pleurez? Je vous demande pardon, c'est stupide, mais je m'attendais si peu à ça. Je suis toute bouleversée. Georges, voulez-vous me laisser vous embrasser? Mais comment donc, ma chère belle-mère? Avec plaisir. Ah, mon enfant, mon cher enfant. Ah ben, je suis bien contente, allez. Ah, bien contente tout de même. Ah, mais quand je pense que cette petite cachotière ne m'a rien dit. Ah, rien, rien, pas un mot qui fasse prévoir un pareil événement. Au contraire même, l'autre jour encore, j'essayais de venir à bout de son entêtement, car vous savez que j'ai fait tout ce que j'ai pu, mon cher Georges, j'ai pour principe que la meilleure façon d'aimer sa fille, c'est toujours prendre parti pour son gendre contre elle. Donc je me suis un génie à la persuader, et... Oui, ben j'avoue que quand j'ai laissé, elle ne me paraissait pas convaincue. Oh non, non, loin de là. Enfin, l'important, n'est-ce pas, c'est que nous ayons réussi. Et nous avons réussi, n'est-ce pas? Nous avons réussi, oui. Ah, ben, ça n'aura pas été sans peine. Alors, j'aurais bien voulu l'embrasser, cette chère petite, mais vous avez raison, après cette soirée qui a dû la fatiguer, il vaut mieux la laisser dormir. Au fait, ça s'est bien passé? Alors, elle n'a pas eu trop peur? Mais... Ça a eu du succès, on a eu l'air de s'amuser. Oh, parfaitement, parfaitement. On a eu l'air, oui. Nous vous avons regretté. Oh, mon Christy, on sonne, je ne suis pas précisément habillé, moi. Ah, mais c'est sans doute que mon mari à qui j'ai fait téléphoner de venir me prendre. Il est temps, en tout cas, que je m'habille. Vous m'excuserez, à tout à l'heure. Oui, c'est ça, à tout à l'heure. Eh bien, il n'y a rien d'arrivé de fâcheux, j'espère. Ton téléphone m'a bouleversé. Non, rien de fâcheux. Il y a cependant de quoi être bouleversé. Mais enfin de quoi, je meurs d'impatience. D'abord, où est Germaine? Germaine est dans sa chambre, elle dort. Et je te prie de parler plus bas pour ne pas la réveiller. Ah bon, Elda. Non. Et alors quoi? Et Georges? Mais Georges s'habille. Mais si tu me poses tout le temps des questions, tu ne sauras jamais rien. Bon, je t'aime, mais pour Dieu, parle. Ça y est. Qu'est-ce qu'il y a? Paris. Oui, là. Ah, eh ben, qu'est-ce que ça d'extraordinaire? Tu vas peut-être me dire que tu t'y attendais. Tu es si malin, toi. Bien entendu que je m'y attendais. Mais là, qu'est-ce que je disais? Ben, dame, enfin, je ne peux pourtant pas pousser des cris de stupéfaction parce que deux êtres vivant ensemble dans le même appartement sans aucun obstacle entre eux, et alors que l'ignorance même qu'ils avaient l'un de l'autre les poussait à se réunir, à s'affronter, en sont arrivés à se mettre d'accord sur l'accomplissement d'un fait très naturel, en somme. Alors, il y a assez de gens qui se dérangent pour aller chercher ce que ta fille et son mari avaient chez eux. Il devait fatalement arriver ce qui est arrivé. Allez donc, c'est tout simple. Voilà comment vous jugez ces choses-là, vous autres. Oui. Enfin, je suis trop heureuse que les événements aient donné raison à ta perspicacité, quelque naïve soit-elle. Oui. Bon, ben maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qui? Nous deux. Germaine dort, mais elle ne va pas tarder à se réveiller. Oui. Et Georges, qui est allé s'habiller, va arriver d'un instant à l'autre. Tu veux savoir ce qu'il faut faire? Oui. Eh bien, il faut nous en aller. Comment nous? Oui, et tout de suite. Et laissez ses enfants tranquilles. Allez, viens. Alors. Émile entre et prend les vêtements qu'il avait déposés sur une chaise. À ce moment, Élise paraît, portant un plateau qu'elle pose sur un guéridon. Prévenez, monsieur, de la part de madame, que le déjeuner est servi ici. Allons, bon. Ils ne pouvaient donc pas rester mal ensemble? Vous croyez que c'est une vie, ça? Des gens mariés. On a prévenu, monsieur. Et oui, madame. Ah ben, c'est bien, Élise, je vous remercie. Élise sort. Germaine arrange un instant sa coiffure devant une glace, puis s'assoit à côté du guéridon où est le plateau. Germaine. Oui. Germaine, j'ai une prière à vous adresser. Écoutez-moi. Non, ne vous retournez pas encore. Attendez. J'aime mieux ne pas voir vos yeux. Si je les voyais, si j'y reconnaissais la flamme de malice, d'ironie, de défi qui m'y guette toujours, je n'aurais plus le courage de continuer. J'aurais voulu partir ce matin pour mon bureau sans vous revoir. Je regardais ainsi plus longtemps jusqu'à ce soir la vision délicieuse de toute cette nuit pendant laquelle il me semble avoir rêvé. Seulement, vous m'avez fait appeler au moment où je m'apprêtais à sortir. Je suis venu, mais ce que je vous demande, ce dont je vous supplie, c'est de ne pas faire cesser mon rêve d'un mot désagréable, d'un regard méchant. C'est de me laisser croire qu'il va continuer. C'est de ne pas me réveiller. Alors, voilà ce que j'ai pensé. Vous vous souvenez que je vous dois une scène ce matin. Eh bien, écoutez, faisons un échange. Je ne vous ferai pas ma scène, mais en revanche, vous ne me direz rien de désagréable. Voulez-vous? Est-ce que je peux me retourner maintenant? Ça dépend. Acceptez-vous? J'accepte. Oh, c'est vrai? J'accepte. Mais ça n'est pas juste. Pourquoi? Eh bien, parce que je n'avais rien de désagréable à vous dire. Non? Je vous assure. Alors, vous ne m'en voulez pas trop? Mais non, pas du tout. Au contraire. Oh, ma chérie, mais c'est incroyable. Incroyable. Mais je n'y comprends rien. Moi non plus. Et maintenant, déjeunons. Votre thé est servi. J'ai une faim de loup, moi.

Je ne te croyais pas si cachotière. Ah, mais il y a encore des moments où je ne peux pas y croire. Hein, je me demande si vous n'avez pas rêvé. Quand je pense qu'il y a 2 jours encore, tu paraissais si obstinément décidé à continuer le statu quo. Enfin, tout est bien qui finit bien, n'est-ce pas? Et l'important, c'est que vous soyez heureux. Ah, je n'en demande pas plus. Mes arguments ont fini par te convaincre, peut-être? Non? Hein? Alors, c'est que Georges a su être plus persuasif. Hein? Ah, bah alors, dame, je ne sais plus qu'imaginer, moi. Tu avais fait un vœu? Non? Ou bien tu attendais un ordre d'en haut? Bon, tu veux pas me répondre. Bon, bah, à ton aise. Alors, au revoir, mon enfant. Oh non, maman, t'en vas pas! Ah, enfin, tu te décides, mais je savais bien qu'il y avait quelque chose. Depuis ce matin, je m'en doutais. Oh, c'est pour ça que je suis revenue, du reste. Eh ben, maintenant que je t'ai vue, ce n'est plus un doute, c'est une certitude. Allons, allons, confie-toi à ta maman. Hein, et puis, n'essaie pas de lui raconter d'histoire. Elle n'est pas si bête que tu le crois. Et si elle te le paraît, quelquefois, ben, c'est peut-être moins involontaire que tu t'imagines. Il ne faut pas que les mamans aient l'air trop perspicaces. Allons, parle sans avoir peur. Tu meurs d'envie de te débarrasser de ce que tu as là et quitter tout, n'est-ce pas? Oh, oui. Eh bien? Eh bien... Non, je ne peux pas. Oh, voyons, ma chérie, calme-toi, là. Tu as été imprudente, n'est-ce pas? Hein? Très imprudente. Hein? Mareuil, n'est-ce pas? Maman, mais comment? Oh, j'en étais sûre. Une mère est mieux à même que personne de deviner les secrets que sa fille dissimule à tous. Parce qu'il y a bien des chances qu'elle ait dissimulé les mêmes secrets d'une façon identique quand elle avait le même âge. Oui, il n'y a rien d'héréditaire comme la façon de mentir. Oui, oh, l'ami d'enfance, parbleu. Mes craintes n'étaient que trop fondées. On lui fait des confidences. Oh. Oui, c'est comme ça que ça commence. Et puis, de confidence en confidence. Maman! Oh, bon, je ne te fais pas de reproches, ma pauvre petite. Ce n'est pas mon rôle. Enfin, un beau jour, on s'aperçoit qu'il est indispensable de se rapprocher de son mari. Maman, mais qu'est-ce que tu veux dire? Ah, mais non, non, c'est pas ça. Ma chérie, je te demande pardon. Alors, Georges et toi, ce n'est pas parce qu'il le fallait. Oh, maman. Oh, ma pauvre enfant. Oh, ben, crois-tu, hein? Ben, qu'est-ce que j'allais penser là? Oh, ben, c'est un poids que tu m'enlèves. Mais alors, Mareuil, je ne comprends plus. C'était préventif? Oui. Il m'avait dit que c'était une responsabilité que je ne devais pas laisser prendre à un autre qu'à mon mari. Ah, bah, c'est d'un homme prudent. Alors? Alors? Oui. À tes projets, maintenant. Oh, bah, tu comprends bien que je ne compte plus le revoir. Ah, c'est fini. Tu ne l'aimes plus? Mais si je l'aimais encore, je ne t'aurais rien raconté de tout ça, voyons, maman. Ah, ça c'est vrai, je n'y avais pas pensé. J'ai cru l'aimer parce que je ne savais pas ce que c'était qu'aimer. Maintenant que je sais. Eh bien? Ah, c'est Georges que j'aime. Depuis quand? Depuis ce matin. Ah. Oui. Alors écoute, c'est difficile à expliquer. Maintenant que je commence à aimer Georges, ben, je voudrais qu'il sache. Ah! Oui, ne bondis pas. Oh, je sais bien que je n'ai péché que par ignorance, mais... Mais tout de même, j'ai un peu de remords. Comprends-moi, je voudrais qu'il me domine, qu'il me soit supérieur en tout. Et malgré moi, malgré que je me dise que cela n'est pas de sa faute, je ne puis m'empêcher de songer que lui, mon mari, mon maître, ignore un secret qu'un autre connaît. C'est de ça que je me sens coupable envers lui. Mais ne te tourmente pas, ma chérie. S'il avait pu avoir un doute, s'il m'avait interrogé, ça m'aurait fait tant de bien de tout lui dire. Mais tu es folle! Et puisqu'il n'y a rien eu de mal. Tu es naïve, tu sais. Alors tu croyais qu'un homme, quel qu'il fût, pouvait vous être reconnaissant d'un aveu? Ah, ma pauvre petite, mais si tu ouvrais la bouche de tout ceci à ton mari, ou bien il ne te croirait pas, imaginerait des choses bien plus graves, ou bien il te croirait et il n'aurait plus une seconde de répit. Je suis sûre qu'il me pardonnerait. Il est si bon. Et tout serait terminé, oublié. On n'y penserait plus. Oui, il te pardonnerait peut-être, mais quand t'as n'y plus pensé, ne compte pas là-dessus. Vous seriez deux à être malheureux, voilà tout. Allons, allons, allons, pas de bêtises. Et puis, s'il te faut à tout prix une absolution, ben, je te donne la mienne, ma chérie, et de grand cœur. Moi, je suis pour la politique des résultats. Et du moment que nous n'avons fait que côtoyer le précipice, qu'il n'y a rien de cassé, et que personne ne le sait que toi, qui est la première intéressée à te taire, moi, qui suis la discrétion faite femme, et l'autre, que tu ne comptes plus revoir, n'est-ce pas? Monsieur Mareuil est là. Oh, bon, ben, il ne perd pas de temps.

Je vous le promets. La radiodiffusion française vient de vous présenter Le Rubicon, pièce en trois actes d'Édouard Bourdet sous la direction artistique de Jacques Régnier. Voici quelle en était la distribution. Georges Bernard Blier, François Mareuil, Lucien Natte, Monsieur Sévin, Pierre Larquet, Jacques Sinclair, Franck Villard, Le Monsieur, Henri Beaulieu, Émile, le valet de chambre, Pierre Leproux, le metteur en scène, Robert Hirsch de la Comédie Française, Fréjus, Jean Péméja, Madame Sévin, Béatrice Bretti de la Comédie Française, Germaine, Jeannine Crispin de la Comédie Française, Yvonne Sinclair, Jacqueline Moran, Élise, la femme de chambre, Jacqueline Pasquier. On prit part également à cette émission Suzanne Henry, Leïla Farida et Huguette Laurel. Les commentaires étaient lus par Roland Bernard. Prise de son, André Papiot, assisté de Chéri Faïd Mokhtar. Bruitage, Charles Jacquet. Cette dramatique a été diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale le 14 janvier 1950. Vous pourrez la réécouter en ligne durant 8 jours ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture. Thank you.